C'est fou de la scène émergente. C'est fou de la scène émergente. C'est fou de la musique. C'est fou de la musique. C'est fou 89 ans. 89 Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. Simon Fitzbeat nous fera entendre la nouvelle musique dans son segment Fitzbeat. Véronique Mire du bureau de la réussite étudiante sera de retour pour nous enseigner quelque chose et la chronique à un spectacle d'Alexandra Carignan. Assemblage requis commence maintenant. Bon matin, bienvenue à Assemblage requis en ce lundi 18 mars 2013. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Jean-Philippe Charbonneau. T'as l'air latino en faisant Caliente. Non, justement, pas Caliente du tout. Non, justement pas. C'est froid Caliente. Yeah. Comme les Espagnols disent. Ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui, passe une belle fin de semaine. Oui, j'étais au défi ski le 4. Ah, pour vrai? À Québec. Parce que je faisais pas assez froid dans ton appartement, il fallait que t'aies dehors. Ben oui, je me suis dit, on va aller dehors. J'ai mal partout. Oh. Mais j'étais bénévole. J'étais pas participant, j'étais bénévole. Ok. Et donc, t'es passé d'une bosse dans ton cou à une bosse de ski. De ski! elle va mieux, ta bosse? Hein? Ouais, elle est toujours présente. Oui. Elle fait partie de ma vie maintenant, je dois l'accepter. Oui, comme Rythme FM ou non, Canal Vie, fait partie de la vie. Mais est-ce que tu vas aller te faire... Ça semblerait que c'est un petit kiss. Mais il faudrait que... en tout cas, soit qu'on me l'arrache, soit qu'on me la ponctionne. Ah, quand même, c'est pas rempli de chocolat, c'est pas comme les Hershey's Kisses, ça, non? Non, ni de Skittles, comme on disait la semaine passée. Non, ça va être... Heureusement que c'est dans le cou. Je le verrai pas, ce qui sort. OK, oui, c'est vrai, tout à fait. Ça, oui, c'est oui. Génial. Et ce qu'on ne voit pas, nous ne fait pas mal. Et voilà. Et voilà. Donc, aujourd'hui, l'émission, Simon Fitzbeat qui va faire sa collègue Fitzbeat. Ça, c'est à 7h30. Ensuite de ça, à 8h, c'est spécial pour cette semaine. On va voir les candidats aux élections de la GEQTR. On va les recevoir, on va leur poser chacun les mêmes questions. Et aujourd'hui, donc à 8h, on recevra François Arcan, candidat à la vice-présidence aux finances et développement, et Mathieu Roy, qui est candidat pour président de la GEQTR. Donc, ce sera à 8h. Ce qui repousse nos collègues de 8h cette semaine. Donc, à 8h15 environ, Véronique Mire et la collègue du bureau de la réussite étudiante. Et il m'avait dit que c'est des façons de lire, de façon optimale, mettons, c'est mieux lire. De gauche à droite, finalement. C'est ça. Exactement. Pas avec ses doigts, là. Non, c'est ça. C'est pour les aveugles. Et à 8h, on verra 40 environ, sûrement, Alexandra Carignan, sa chronique Le Temps d'une culture, qui va nous parler, évidemment, d'art et spectacle. Donc, c'est le plan d'aujourd'hui. Sinon, on va commencer avec C'est un fait dans quelques minutes, parce qu'on commence tout le temps avec mes chroniques à moi. Hein? Eh oui, puis c'est le fun. Yeah! On va voir la belle. Ah, c'est bien trop fun. On débute avec Hôtel Morphée. En fait, on a entendu Hôtel Morphée juste avant que l'émission commence. Tout à l'heure, on a entendu la pièce Garde à vous. C'était ce qui jouait juste avant notre émission. Et ça m'a donné envie d'écouter une autre pièce d'Hôtel Morphée, faire un genre de doublé. Voici sur l'album Des histoires de fantômes, la pièce titre. Assemblage requis. Au 89 FM, c'est fou. Caliente. Caliente. Oh. Fait qu'elle se rend, là. Hôtel Morphée. Des histoires de fantômes. Oh! Oh! Oui, tellement. Faut se réchauffer les mains, on n'entend pas. Quand on se frotte les mains, là, ça fait enlever la petite peau. Oh, oui, c'est ça. J'ai les mains douces maintenant. Plein de pellicule sur les cuisses. De peau. Donc voilà, c'est la chronique, c'est un fait maintenant. Ouh! C'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables. Et on va apprendre des choses. C'est la mission éducative d'émission. Oui. C'est bien, ça. Ça prend la grosse part éducative. Un peu de sérieux. Le lundi, justement, après c'est le bureau de la réussite. Oui. C'est vraiment la journée éducative aujourd'hui. Exactement. Donc, commençons par le fait qu'environ 6000 patients par année vont quitter une salle d'opération dans un hôpital aux États-Unis avec un objet ou un outil chirurgical dans leur corps. 6000 personnes. 6000? Juste aux États-Unis. Ah, ça peut jamais être un lingot d'or, hein? Non! Jamais! Non! Ou un Guy Mongrain. Dennis Gross, Denis Dégueux, comme on l'appelle en français, a le record pour le plus de peeps. Tu sais, les petits animaux en guimauve là, qu'on peut acheter, les petits peeps. Là, c'est comme son poignet en paquet de trois, son jaune, c'est comme les guimauves. Ouais, puis son. Pour peur que c'est bien populaire. Donc, Dennis Gross a le record pour le plus de peeps mangés en 30 minutes, 102 petits. C'est des petits lapins, je pense, l'animal. Là. En une minute? En 30 minutes. 30 minutes, pas. 102. 102 en une minute. Mais c'est des guimauves, ça finit par plus rentrer, ça. Là, hein? J'imagine que ton ventre est rempli, à un moment donné. Devine le seul muscle du corps humain qui est attaché que d'un seul côté et que l'autre côté n'est pas attaché. Quel est le muscle? Oh, c'en est une bonne, ça. Pas pire, hein, c'est une colle. Juste d'un côté, pas de l'autre. Je sais pas. Est-ce que tu donnes ta langue au chat? Oh, langue! Langue! C'est le seul muscle qui n'est pas attaché des deux côtés. Ben oui, hein? Espérons-le. S'il l'est, ça se peut que vous ayez un problème. La première personne à avoir été arrêtée pour avoir fait de la vitesse aux États-Unis, elle allait à combien, à quelle vitesse? La première personne à vie à avoir été arrêtée pour vitesse. 32 km heure. Non! Ben, en fait, je sais pas parce que c'est en 1000 à l'heure. Oh, 12 000 à l'heure! Ah! 12 000 à l'heure. C'est pas loin du 30. Pas pire, hein? C'est pas loin. C'est bon. Donc, c'était en 1899 et le policier était, évidemment, à vélo. Les chiens vivent avec les humains depuis plus de 14 000 ans. Mm. C'est le meilleur ami de l'homme. De l'homme. Il y a environ 1 million de fourmis pour chaque personne dans le monde. Ah, à toi de trouver les tiennes. Oui, lesquelles t'appartiennent. Ils ont ton nom dessus. Quand leur chat décédait, ça c'est triste, en Égypte dans le temps, les gens rasaient leurs sourcils pour montrer leur tristesse. Leur tristesse, hein? On reste dans le domaine animalier. Les chiens ont environ 2000 papilles gustatives, alors que les humains en ont 9000. Donc ils goûtent moins. Mais ils sentent plus. Mais ils sentent plus. C'est peut-être pour ça que la bouffe a l'air pas fameuse. Ouais. Dépend, hein, mais je goûterais pas à ça. 30% des propriétaires de chats permettent à leur chat de monter au lit. 30%. Ah. Personne sur 3! Ah oui. Je suis là-dedans, moi. Devenir faire dodo dans... Ben oui, moi aussi. Ben là, c'est parce qu'à un moment donné, c'est leur maison aussi, là. C'est leur lit aussi. Il faut être gentil avec ces petits animaux-là. Ce matin, d'ailleurs, mon chat me gossait. Il me mordait pour que j'aille le nourrir. Ah, c'est ta bosse dans le cou qui l'attire. Oui. Fait que là, tout à coup, il est tombé dans le deux-tiers où il était plus le bienvenu dans le lit. Un chat va revenir à son bol de nourriture environ 36 fois par jour. 36 fois. Même non, s'il est vide. Ben oui, sûrement. Ils vont, oui, j'imagine, tourner autour. Non, mais là, il faut les remplir, ces petits bols-là. La Fédération mondiale de l'échec, la World Chess Federation, fait des tests antidopage sur ses joueurs. Ah! Bon. Ouais. Pas tricher. Pas tricher, les enfants, c'était du cool. Don't do drugs. Les humains sont capables de courir jusqu'à 40 000 à l'heure, selon une étude par un expert en biomécanique, Dr. Matthew Bundle. Donc, on est capable d'aller jusqu'à 40 000 à l'heure. Ça veut dire combien, ça? C'est quoi? C'est le double? Ben, ouais, c'est fois 1.4, il me semble. Okay. Donc, quand même, c'est rapide. Ouais, c'est rapide. Ou 2.4. Mon Dieu, là, je doute de moi-même. Bah, c'est pas grave. C'est rapide, c'est ce que ça veut dire, mais on n'y va pas parce qu'on n'est pas assez entraîné ou quelque chose comme ça. Les 9 premiers Super Bowl montraient des marching bands de collège dans le fond d'université locale et des équipes de drill, les drill teams, et non pas des musiciens pop. Donc les 9 premiers Super Bowl, c'était du marching band. C'est le fun, j'aime ça du marching band, je trouve ça très cool. En 1967, les deux parties, les deux camps qui ont participé à la guerre civile du Niger, Nigerian Civil War, ont déclaré 48 heures de cessez-le-feu pour regarder Pelé, c'est comme ça qu'on dit Pelé, jouer au football ou au soccer. Il y a un match de soccer avec Pelé. Et ils ont arrêté pendant 48 heures de faire la guerre pour regarder ça. L'artiste Piero Manzoni Hein? Calzone. Caliente. Caliente. A rempli 90 cannes des pots, là, okay, mm-hmm, de ses propres besoins number two. Mm-hmm. C'est bien celui par arrière, numéro 2, c'est ça? Oui. Donc, il les a vendus à des musées autour du monde. Un musée a payé 38 000 $ pour avoir un pot de ces excréments-là à Piero Manzoni. C'est de l'art, hein? Faut pas questionner l'art. Wouhou! Selon la légende Benjamin Franklin démarrait chaque jour ou commençait chaque journée en prenant un bain d'air. Donc, il s'assoyait nu pendant plusieurs heures dans une pièce extrêmement froide. J'imagine que tout rentrait par en dedans. Puis, il appelait ça un bain d'air. Je sais pas. Hein? Non? Non. Non? On préfère un bain d'air dans le studio. C'est ça. Dans le studio, mettons que l'air est très, très concentré sur une petite, petite superficie. C'est froid. C'est pas chaud. Princesse Diana, Lady Di, tu te rappelles Lady Di? Ben oui, je savais que... Lady Di. Elle dépensait 5 600 $ sur la couleur de ses cheveux à chaque année. 5 600 $ par année pour se teindre les cheveux. En son hommage, en son honneur, voici les Fatal Picard et Lady Diana. Ah. Les Fatal Picard et Lady Diana. Évidemment, on parlait de Lady Diana justement parce qu'elle paye 5 600 $ par année, ou elle payait, je pense. Oui, pas si tu veux. Je sais pas si t'es encore de même. Non, c'est quelqu'un qui ne saurait pas, mettons, qu'elle est morte. Là. Je vous l'apprends. Bienvenue en 96, quoi. Oui, ça fait vraiment longtemps, j'étais tout petit. À peu près. Donc voilà, vous êtes toujours dans C'est un fait. On continue avec un petit bloc technologique maintenant. Bill Gates, pour son mariage, pour assurer la vie privée de sa femme et de lui-même, le jour de leur mariage, Bill a loué chaque chambre d'hôtel de l'hôtel où ils se sont mariés. pour pas avoir de spectateurs indésirables. C'est ça, des petites personnes, non, pas des nains. Mais tu sais, en même temps, ils ont dû y faire un package deal. Sûrement, quelques millions de dollars, si jamais le refus. Bill Gates a écrit une lettre d'ailleurs à Steve Jobs alors qu'il était en train de mourir. Et puis Steve Jobs l'a gardé, cette lettre-là, à côté de son lit. Oh. Il a poussé vraiment à cœur. Tu sais, c'est des ennemis, mais en même temps, c'est des amis aussi, je pense. C'était cute. En avril 2010, Bill Gates, en date d'avril 2010, Bill Gates avait donné 36 850 millions de dollars dans sa vie. C'est plus de la moitié de ce qu'il vaut. Tu sais, il avait promis de donner la moitié de son argent à des œuvres de charité, genre. Le iPhone fait plus d'argent, fait plus de revenus, amène plus d'argent à Apple que tout Microsoft au grand complet. Oh, ça doit être dur à avaler. C'est un peu difficile, mais dis Windows Phone, hein, t'as vu comment c'est? Windows Phone. Même pas besoin de finir la phrase, c'est juste Windows Phone. Personne ne pense ça. Points. C'est dommage, mais bon. Motorola a créé le premier walkie-talkie en 1940. Utilisé par les unités de l'info... Comment est-ce qu'on dit ça? Infantry Units? Bref, pendant la Deuxième Guerre mondiale. L'armée de terre. Voilà. Je pense que c'est ça. C'est pour la Deuxième Guerre mondiale, des walkie-talkies. Voilà. Facebook est principalement bleu, dit-on, parce que Mark Zuckerberg souffre de daltonisme. Mm-hmm. Il est daltonien, il ne voit pas. C'est le rouge et le vert qui est comme confus, tu sais, red-green. Color blindness. Donc voilà, c'est pour ça que Facebook est bleu apparemment. Aha! Larry Ellison, le cofondateur de Oracle, a un système de cinéma maison qui utilise une piscine dans laquelle on nage, une piscine sans eau, OK? Comme un gigantesque subwoofer. Les... genre le Skrillex. Pas au voisin d'en-dessous. Ouais, c'est d'en-dessous de sa piscine. Ouais, évidemment. Et puis, sinon, on y va avec des jeux vidéo maintenant. Jeux vidéo. Minecraft. Tu te rappelles que Minecraft, c'est comme des petits blocs. C'est comme un genre de Lego virtuel, si on veut. À la base, ça s'appelait Cave Game. Cave Game? Mmh. Cave Game. Je sais pas si ça se passait dans une cave ou si on construisait des caves, mais c'était un jeu de cave. Il y avait une manette motion control donc qu'on contrôlait avec les mouvements qui était supposée sortir pour la Sega Dreamcast. Ça aurait été pour le jeu Air Knights qui était une suite du jeu Knights into Dreams. Et on disait aussi que ça a eu rapport avec la création de la série Super Monkey Ball. Tu te rappelles Super Monkey Ball, c'est un petit singe dans une boule que tu fais avancer. Que tu fais rouler, oui. Exactement, c'est vraiment cool quand même. Donc la technologie de motion sensing éventuellement a été utilisée pour les maracas dans Samba de Amigo. Caliente. Oh. Ça, c'est le jeu avec les maracas. Tu sais, c'est un petit singe qui joue au maracas. C'est la musique du masque. Oh, vrai? Oui. Jim Carrey, là? Oui, quand il y a ses deux maracas qui est avec la police. Qui est dans ce film-là? C'est pas... c'est qui la fille là-dedans? Cameron Diaz, hein? Oui. Oh oui! Oh oui, ça a veillé bien des chances. Si on insère le CD de Castlevania Symphony of the Night sur PlayStation, première du nom. Si on insère le CD dans un lecteur CD ou un PC et qu'on essaie de l'écouter, il y a un clip son de Alucard qui va commencer à jouer et qui va te demander de ne pas jouer la première piste du disque. Et ensuite, on va te montrer, on va te faire entendre la musique remixée qui n'est pas dans le jeu. Donc la première piste dit n'écoute pas ça, puis le reste du CD, c'est genre une trame sonore remix du jeu. Ça donne envie de l'essayer. Et d'ailleurs, il y a l'extrait sur assemblagerequis.com. Je me suis pas préparé le petit lien, mais quand même, vous pourriez l'écouter si ça vous intéressait sur assemblagerequis.com. Selon le directeur technique... Non, je sais pas comment le traduire. Le Sega Technical Institute Director. Donc, le directeur de l'Institut technique de chez Sega. Voilà. Roger Hector. Michael Jackson, au départ, s'est fait demander de composer la musique de Sonic 3. Okay? Même si on mentionne absolument pas son nom dans le générique du jeu, ils ont enlevé son crédit à cause d'un scandale autour de Jackson à ce moment-là. Je sais pas si c'était lequel scandale, parce qu'il y en a eu tellement. Donc, c'est ça, il y avait un scandale autour de Jackson, ce qui a fait qu'ils ont enlevé ça. Et puis, la musique a dû être retravaillée un petit peu. Et en décembre 2009, le compositeur de Michael Jackson, Bradley Boxer, qui est crédité dans Sonic 3 sous le nom de Brad Boxer, a dit au magazine français Black and White que Jackson, en fait, a participé aux compositions de Sonic 3 et supposément qu'il n'était pas content de ne pas être crédité. Supposément que non, c'est ça. C'est pas qu'il était pas content, c'est qu'il a demandé qu'on enlève le crédit parce qu'il était pas content du son de la Genesis. C'est ça, du résultat, parce que la Genesis n'était pas très très puissante pour la musique, donc c'est pour ça. Texte compliqué à lire, mais je me suis rendu. Après, okay, si avec ton épée, tu pètes la pancarte avec ton épée dans Ocarina of Time, il y a une petite pancarte quelque part là-dedans. Si on joue la petite comptine de Zelda, il y a comme une comptine qu'on peut jouer proche de la pancarte, ça va réparer la pancarte. Une fois que la chanson se termine, ils vont jouer le petit jingle comme quand tu résous un casse-tête et la pancarte réapparaît. Donc, tu slash ça. Tu joues la petite comptine avec ton instrument de musique. Là, je me rappelle pas l'affaire mauve. Là, comment ça s'appelle, cette affaire? Bref, tu joues cette petite musique-là avec ton petit instrument et puis ça va la réparer puis ça va faire comme si tu avais résolu un puzzle. Oh. C'est cute, hein? Les données du jeu d'arcade Tekken 3. Les données ont des références à un combattant secret, un secret fighter qui s'appelle Sake. OK? Ça ressemble au modèle de Yoshimitsu, mais avec les moveset de Jin, donc apparemment les mouvements que Jin peut faire. Et le directeur du jeu, le réalisateur, oui, a dit que Sake était supposé être un personnage animal et que qui était, dans le fond, supposé être un saumon qui allait se battre. L'idée était que peu importe le bouton que le joueur allait appuyer, sur lequel il appuyait, le saumon allait juste faire aller ses petites nageoires et allait faire des sons. Donc ça a été enlevé plus tard parce qu'on pensait que les joueurs seraient fâchés d'avoir payé pour jouer à l'arcade et que finalement ton personnage serait un poisson qui faisait juste blablabla. Finalement, il nous prenait vraiment pour des poissons. C'est ça. Mm-hmm. Moi, je suis poisson, hein, je suis né le 17 mars. Il n'y a rien mieux qu'un bon coup de queue dans un jeu de combat. Un bon coup de queue! Ouais. C'est chic, ça. Mm-hmm. Bien dit. À un certain point dans le développement de GoldenEye, recharger ton arme allait être fait en enlevant et en remettant le Rumble Pack de la Nintendo 64. Tu te rappelles, dans ta manette, t'avais une petite cartouche pour faire le Rumble. Donc, ça, pour recharger ton fusil, ça arrêtait de l'enlever et de le remettre. Cool! C'est cool, mais les premières fois, tu sais. Tu tannes un peu vite, hein? Ouais. C'est ça. Mais non, pour vrai, j'adore l'idée, ça aurait été parfait. Bon. Au moins comme option, tu sais. Ouais. Après ça, tu aurais pu juste appuyer sur ABB, puis au bas, c'est dans le select. Là. Ouais. Et finalement, dans le jeu No More Heroes, on voit une Nintendo 64 sur une tablette dans l'appartement de Travis, un des personnages du jeu. Dans le port, donc le remake No More Heroes, Heroes Paradise, la Nintendo 64 a été changée pour une Sega Genesis avec un 32X, qui est un accessoire qu'elle a avec, et un attachement qui s'appelait le Sega CD. Sûrement parce que Nintendo voulait pas que leur console apparaisse dans le jeu d'un système d'un compétiteur. Et donc, le nombre de add-ons pour la Sega Genesis fait souvent rire la communauté des joueurs. Je sais pas si c'est parce qu'il y en avait trop. Moi, je trouve que c'est bien d'avoir des accessoires dans une console. Mais bon. Donc, vous pouvez aller voir la photo qui fait la comparaison sur assemblagerequis.com. Et voilà pour C'est un fait. Dans quelques minutes, Simon Fitzbe et Fitzbeat. Mais pour l'instant, Tao and the Get Down, Stay Down. Voici City. Sur C'est fou dans vos oreilles. Ah. Excuse-moi. En direct de Trois-Rivières. Oh! Oh! Oh! Là, je peux? Oui. And I love it when I leave in the middle of the heat. Keep the insides you would eat just to keep from feeling weak. On retourne de la nouvelle musique avec Simon Fitbé. Youhou! Rassemblage qui pour toi aujourd'hui? C'est fou, Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous écoutez Assemblage requis jusqu'à 9h. Une chaise, pourquoi tu t'assois dessus? De tout ton poids et de tout ton malaise, tu es comme un perdu. Ce n'était que de la glaise, nos bottes ont fait de grands trous. Ils se referment comme des pièges derrière nous, comme des pièges derrière nous. Mon dos n'est pas une chaise, toi t'es une antenne brisée. Y'a juste la neige qui rentre dans ton canal, c'est l'hiver à l'année. Tu défends ou tu protèges, tu mets des broches dans tous les coins. Drôle de manière d'avoir envie de rien, de nous le faire savoir. Mon dos n'est pas une chaise, comment faire pour te convaincre que l'univers comme où tu t'arrêtes, qu'il s'agrandisse en toi. Où nous les avions laissés, nos rêves jackés sur des blocs de ciment, nous les remettrons en état. Avec podcast et Mondo n'est pas une chaise à Assemblage requis, il est 7h34 minutes, toujours en direct des studios sur Foie Trois-Rivières. Oui, mais ça. Oui. Tout à l'heure, Simon Fitzbé s'en vient, c'est certain, avec sa chronique Fitzbé. Fit the beat. Fit to the beat. Listen to the Fitzbeat! OK. Mais pour l'instant, je pense qu'on va encore retourner en musique. C'est comme ça. On attend Simon. Ben oui. Donc voici Life Inside a Chocolate House de Run With the Kittens. Ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu. C'est très bon. C'est sur le palmarès anglophone. Mais bon. Mais tu sais, c'est ça. On l'attend, mais en même temps, nous, on le visite pas souvent. On n'est pas très sorteux. Non, c'est ça. Fait que quand tu veux, tu sais. Ben oui. Viens pas. Tu viens, on sort un chocolat chaud. Oui. dans la maison faite en chocolat. Comme. Ouais. Notre studio est ton studio. Oui. Vous êtes à Assemblage requis. Mm-hmm. Jusqu'à 9h. We'll be right back. cette manie-là qu'on a de courir après ceux qui s'en vont. Chaque sourire a besoin de son chat, sinon les deux tournent en rond. Mais moi, j'ai rien trouvé mieux que ton sourire qui s'éparpille. J'ai rien trouvé mieux. T'es plus qu'un one night, t'es plus qu'un rebound. T'es un jab sur ma tête qui met à terre au premier round. Tu me dis que tu m'aimes pas, que tu te sens bien dans le célibat. Tu sais trouver les mots pour faire tomber les cœurs. Tu me parles de lui, de l'autre, du seul à qui te dit oui. Tu me parles de moi aussi. Tu me trouves beau, tu me trouves drôle. Je te trouve belle dans ta robe, sans ta robe, tes épaules qui font danser les gars. J'ai rien trouvé mieux que ton sourire qui s'éparpille. J'ai rien trouvé mieux que ton corps qui se déshabille. J'ai rien trouvé mieux. Ton one night, au mieux ton rebound. Quand j'étais avec toi, je me sens comme un produit, j'essaie de me vendre. Tu te saoules de plaisir, tu restes jamais dormir. Tu refuses le malaise, l'ennui. Tu te protèges de l'amour, puis tu gaspilles l'envie. J'ai rien trouvé mieux que ton sourire qui s'éparpille. C'est quoi cette manie-là qu'on a de courir après ceux qui s'en vont? Rien de mieux de trembler à Assemblage requis sur C'est fou. Et puis, il est 7h40 environ. Simon Fitzbay vient d'arriver et je pense que ce serait le moment parfait donc de faire sa chronique Fitzbeat. Bon matin, Simon Fitzbay! Bon matin! Ça va? Ah, ça va très bien, oui. Soufflé? Oui, j'ai dû partir à la course puisque les pièces que je devais t'envoyer devaient partir par courriel hier, par courrier recommandé de courriel. C'est pas fiable, cette affaire-là. Non, effectivement. Encore une grève des postiers! Ah ben, on paye si cher de time! J'ajoute juste un mec de trop et c'est un beau partir. Tu sais qu'il est précieux, ces petites boîtes-là. Ces petites boîtes. Bête, boîte là. Oui. Simon, c'est ta chronique musicale hebdomadaire qu'on fait aujourd'hui, Fitzbeat. La semaine passée, on a parlé tellement de South by Southwest. Là, je pense qu'on change de sujet un peu. Oui, effectivement, on revient au normal d'une certaine façon. Mais j'ai un petit restant de South by Southwest pour vous tout à l'heure. Mais on débute, bien sûr, avec le grand, le seul et l'unique David Bowie. Et vous savez, messieurs, le plus gros problème d'un artiste, des artistes en fait qui ont basé leur carrière sur le fait d'être en avance sur le mouvement, c'est qu'ils cessent éventuellement d'innover. C'est le cas de David Bowie qui a préféré le succès populaire à la reconnaissance artistique de son travail, bien sûr, dans les années 1980. Depuis cette période-là, la qualité de ses albums a quelque peu décliné, en fait. L'étoile de l'artiste en a irrémédiablement souffert, comme on dit. Et on se demande vraiment s'il va savoir nous éblouir avec cette sortie-là. C'est la première fois en plus de 10 ans que David Bowie nous offre du nouveau matériel. Et comme il ne s'agit pas de n'importe qui, les attentes sont quand même assez hautes. Il n'y avait pas vraiment le choix de faire de son nouvel album, The Next Day, un disque mémorable et appréciable. On parle quand même de David Bowie, là, le gars qui a incarné le glam et qui s'est réinventé dans les années 1970 et 1980 avec son art rock, son rock fancy. Il s'agit de son grand retour sur scène après, non pas sur scène, mais sur la scène musicale, la scène du disque, en fait, après plus de deux décennies de choix musicaux douteux et de mutisme qui l'ont élevé au rang, pratiquement élevé en fait au rang d'has-been. On ne dira jamais que David Bowie est un has-been. OK. Heureusement, c'est-à-dire The Next Day, c'est le 24e album de David Bowie. Un tour de force que plusieurs artistes n'atteindront jamais. Pour la première fois, on a l'impression que David Bowie n'essaie pas de se réinventer comme il l'a si souvent fait. On a eu des indices lorsqu'il a décidé de prendre sa vieille pochette, entre autres, comme base de ce nouvel opus. Je parle bien sûr de la pochette Heroes. Heureusement, donc, ce fut une très bonne décision de pas nécessairement trop aller vers l'avant, et je vous expliquerai pourquoi un peu plus tard. Lorsqu'il est venu le temps d'écouter l'album, il y a deux semaines à peu près, j'ai eu peur. J'ai vraiment eu peur d'être déçu. Mais j'ai rarement cette crainte-là. Généralement, ça passe ou ça casse, mais cette fois-là, j'ai eu peur qu'un de mes artistes favoris se pète la gueule et manque son retour. Surtout après la déception ou la réception plutôt mitigée du premier extrait de l'album, la pièce « Where Are We Now ». Donc, la sonorité rock de cet album-là m'a vraiment ravi. Donc, malgré ses 66 ans, David Bowie a réussi à retrouver l'énergie qu'on croyait disparue. En fait, il arrive à créer de très belles choses. Il s'est également rallié, bien sûr, à son comparse de toujours, Tony Visconti, avec lequel il a fait toute sa discographie, de son premier album jusqu'à son dernier, qui est The Next Day. Et dès l'ouverture de cet album-là, on a l'impression de retrouver David Bowie à la fin des années 1970, dans la pièce The Next Day, bien sûr, qui porte le nom de l'album. Il s'agit il applique en fait son aura bien particulier dès le début sur la plupart des pièces. Il nous annonce donc son retour dans toute sa gloire. La guitare est stridente dans cette pièce-là, mais un peu obscurcie, mais quand même c'est assez intéressant. Le mix est quand même assez parfait, ce qui peut jouer même en défaveur à certains endroits dans l'album. On retrouve des ambiances un peu glauques, limite angoissantes dans certaines pièces comme Dirty Boys ainsi que If You Can See Me, qui nous rappelle les dernières bonnes années de Bowie, si on veut, début des années 80. Le gros canon de cet album-là, c'est The Stars Are Out Tonight, qu'on va écouter tout à l'heure. C'est une pièce rythmée et bien réalisée qui représente très bien l'album, à mon avis. On peut encapsuler cet album-là dans cette pièce The Stars Are Out Tonight. Les pièces Where Are We Now ainsi que How Does the Grass Grow ainsi que I'd Rather Be High nous donnent l'impression également d'un Bowie nostalgique du temps passé et qui s'ennuie peut-être de Berlin et de sa jeunesse remplie d'excès. Ça reste à voir. Et au final, donc cet album-là est loin d'être un échec ou un citron. Il s'agit d'un très bon album pop-rock et d'un très bon album aussi de David Bowie. On peut facilement lui reprocher de ne pas avoir essayé d'innover et de garder de rester plutôt en terrain connu. Mais je pense pas nécessairement que ses fans auraient apprécié de le voir compétitionner avec la musique, disons, de Radiohead ou Lady Gaga, parce que s'il veut se tenir actuel, il faut qu'il se base un peu sur ce que font les artistes maintenant. Et je suis pas sûr que beaucoup de gens apprécieraient qu'il se travestisse pour l'idée de l'innovation. Donc la musique qu'on retrouve sur The Next Day est pas nécessairement associable à son titre. On a l'impression qu'à la place d'avancer, Bowie revisite ce qui l'a rendu célèbre et ce qui avait peut-être pas fini d'exploiter puisqu'il changeait beaucoup de style pendant ces belles années. Entre la nostalgie et la valeur sûre, question de satisfaire bien sûr les autres et probablement se satisfaire lui-même avec cette musique-là. Après 10 ans de mutisme, j'ai vraiment l'impression que David Bowie nous a livré la marchandise. Je terminerai avec une très belle expression que j'ai lue dans une critique de l'album quelque part sur le web. Cet album-là, c'est comme un peu si David Bowie regardait un album photo de son glorieux passé et qui nous laissait l'entendre. To the heavens, the stars toss and turn at night. They're waiting to make their moves, but the stars are out tonight. Et voilà, il s'agit de la pièce « The Stars Are Out Tonight » qui se retrouve sur l'album « The Next Day » de David Bowie, qui est paru un peu plus tôt cette semaine, en fait le 12 mars, plutôt cette semaine, la semaine dernière. Oui. Je vis dans le passé, un peu comme David Bowie. Gag! C'est pas nécessairement son meilleur album à vie, mais ça reste quand même un bon album, là. Un bon achat d'ailleurs. Vous serez pas déçus, en fait, si vous avez aimé ce que David Bowie a fait dans sa carrière avec ce disque. Et rapidement, puisque bon, à cause de mon courriel poste un peu en retard, post-daté. Ben, je suis arrivé. Elle est bonne celle-là. Je suis arrivé malheureusement en retard et je veux pas vous retarder, donc je vais vous parler tout simplement d'un restant. Tout d'abord, le South by Southwest, les Yeah Yeah Yeahs. Oh, mien, j'avais un peu ignoré parce que c'était pas nécessairement dans ma liste de nouveaux artistes à découvrir. Non. C'est pas nécessairement des nouveaux artistes, mais ce qui paraît, ils ont vraiment rayonné à South by Southwest avec certaines de leurs nouvelles pièces, puisqu'ils sortent un album incessamment, je pense, c'est la fin du mois de mars, début avril. Ouais, quelque chose comme ça. La pièce se nomme Sacrilege. Ça a été, entre autres, nommé meilleure nouvelle track par Pitchfork, ce qui est quand même intéressant, puisque eux, ils vont pas nécessairement juste passer par album, mais passer par nouvelle pièce qui vient de sortir. On va aller l'entendre tout à l'heure à la place que je vous l'explique vraiment longtemps. Je vais revenir de toute façon sur l'album quand ça va paraître. Oui. Et également, un autre album qui va paraître dans les prochaines semaines, prochains mois, c'est She and Him. Oh, et, c'est Zooey Deschanel. Ouais, Zooey Deschanel. Oh. C'est, elle me fait fondre à chaque fois que je l'entends. Moi aussi. La pièce s'appelle Never Learn How to Love. Ça se retrouve sur leur album volume 3. Et eux vont être en concert à la Place des Arts pendant le festival de jazz. Je crois qu'il reste quelques billets. Wow. Proche de nous. Oui, proche de nous. Qu'il on pourrait avoir Zoé à côté de nous autres. Ouais. En entrevue? Ah, ça serait le fun. Malade! Faudrait juste parler en anglais. Ouais. Talk in English. Déjà gênant d'être devant Zoé Deschanel. Ouais, ouais, c'est ça. C'est assez paralysant. Uh-huh. Bonjour! Donc voilà. OK. non, on peut fantasmer longtemps, demain, nous autres. Ah, écoute, heureusement, là, on a notre petite dose à chaque semaine avec l'émission New Girl. Là. Oh oui. Charmante, charmante. Donc, on s'en va entendre ça dans l'ordre. Ça va être Yeah Yeahs en premier, puis She and Him après. Merci, Simon. Merci à vous. Fallen for a guy, fell down from the sky. Ask. She and Him et la pièce Never Wanted Your Love à Assemblage Requis. C'était dans la chronique de Simon Fitzbay, Fitzbeat. Évidemment, on retrouve Simon tous les vendredis matin à 10h avec Album Classique, puis à 11h avec les éphémérides du rock dans Rock Classique et toutes les semaines ici, les lundis à 7h30 pour sa chronique Fitzbeat. Et on va terminer l'heure ici, le temps de se dire que tout à l'heure, on va avoir les entrevues avec les candidats des élections de la GUQTR. Mm-hmm. On va parler avec François Arcan pour la vice-présidence aux finances et développement et Mathieu Roy à la présidence. Donc, c'est dans quelques minutes. Et puis, on aura aussi la chronique du bureau de la réussite étudiante avec Véronique Mire, que j'ai croisée il y a 2 secondes. Donc, elle est là, on sait. Elle est là. Et puis après ça, à 8h30, environ 40, Alexandre Carignan, le temps d'une culture. Pour l'instant, ben, on écoute ce qui suit. Restez là. C'est fou, comme à la vie. 89. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour, vous êtes toujours à Assemblage requis en ce lundi 18 mars 2013. Il est Jean-Philippe Charbonneau. Il est Mathieu Plante. Oui, monsieur. Oui, madame. Papa. Oui, papa. Madame, messieurs, bonsoir. C'est la portion sérieuse de l'émission. Pendant toute la semaine, en fait, on va recevoir les candidats aux élections de la GEQTR. On va parler évidemment de ces élections-là pendant toute la semaine jusqu'à temps qu'on reçoive le directeur général lui-même jeudi pour avoir tous les détails sur la façon de voter. Mais ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est commencer avec deux postes et deux personnes qui n'affrontent personne, finalement. C'est comme ça. On commence avec Mathieu Roy, candidat au poste de président. Bonjour à tous. Comment ça va? Bonjour. Très bien, toi? On est en forme. Oui. Good, hein? Ça va bien? On aime ça aller bien. Ben là, la pleine forme. On commence lundi matin, 8h, une belle entrevue à radio. Y a-tu pas de quoi de plus stimulant que ça? Hein? Ça réveille. Bonjour à vous, chers auditeurs. Bon réveil. Bon réveil. Donc, on a les mêmes questions pour tout le monde et je vais faire la première question tout de suite. Est-ce que tu peux me faire une brève description du poste pour lequel tu te présentes? Le poste de présidence au sein de la GEQTR est vraiment un poste de représentation au niveau des médias, que ce soit régionaux ou nationaux, également au niveau des instances de la GEQTR auxquelles il doit se présenter pour représenter justement la voix des étudiants. Des comités aussi simples que celui du stationnement, on peut siéger sur le groupe GME également. Donc, on a un éventail de comités sur lesquels on doit se présenter, et ce, pour représenter. C'est vraiment un fier de lance pour au niveau hors AGE. Au niveau interne de la GEQTR, c'est vraiment de stimuler les gens, s'assurer que les officiers vont travailler aux bonnes choses, dans la bonne direction. C'est pas un rôle de supervision comme tel, avoir le troisième œil qui nous surveille, mais plutôt de contribution avec eux, de vraiment travailler à atteindre les mêmes buts et s'assurer que ça soit efficace. Excellent. Et quel est votre domaine d'études et depuis combien de temps? J'étudie l'histoire depuis maintenant 4 ans. Mm-hmm. Cool. Lui, tu vois, il a choisi de vous voyer. Ouais, ben, j'ai lu. Quelles sont tes expériences pertinentes pour le poste qu'on voit? Ben, tout d'abord, mon implication a commencé il y a de cela 2 ans. J'ai commencé comme président d'histoire de notre association. J'ai réussi à faire quelques mes objectifs que je m'étais fixé, c'est-à-dire améliorer le financement. On avait dans, à l'époque le but de créer un colloque, donc on avait besoin de fonds monétaires. L'association des étudiants en histoire était une association qui était pas très riche, donc il fallait vraiment aller chercher des revenus. Donc c'est vraiment ce qui a été une de mes priorités. En même temps, mettre en place une nouvelle charte, s'assurer qu'elle soit contemporaine dans le sens qu'elle était bien fixée dans le temps parce qu'elle avait pris beaucoup de recul par rapport au... À la réalité auquel on devait faire face. Donc, ça a vraiment été ça. Cette année, j'étais vice-président de la ville associative environnement pour la GEQTR, ce qui m'a donné un bon bagage d'expérience. Et avec les projets à venir de l'AGE, je me suis dit, c'est le moment ou jamais pour se présenter et vraiment promouvoir ces idées-là. Donc, si les gens désirent m'élire, c'est ce que je vais faire. Et puis, justement, en parlant de projets, quels seraient tes projets importants si t'es élu? J'ai voulu faire des trimestriels, mais comme ça cadre mal avec les sessions, on va faire des quadriestriels. Le premier, ça va être vraiment dans la mise en place et l'implantation des associations au niveau du pavillon. La structuration... On va structurer la halte gardée également à l'interne du pavillon, car il va y en avoir une. Le projet a déjà commencé. Il faut vraiment le mettre en place pour que ce soit... qu'on puisse l'utiliser dès septembre, je crois. Ensuite, la deuxième partie, ça va être vraiment au niveau plus financier, structure, organisation. Dans ce, c'est vraiment, ça va être ma priorité pour le deuxième quadriestriel. De vraiment, comme on n'a pas vraiment une grande structure en ce moment, c'est vraiment ce qu'il faut établir. Et en même temps, l'augmentation des services en ajoutant la halte garderie nous oblige à avoir une structure qui sera plus adéquate pour la gestion de tout ça. Ensuite, pour la fin, ça va être vraiment de s'assurer de faire une bonne transition, de terminer, reprendre notre place dans les médias régionaux pour s'assurer que la visibilité de l'OGEUQTR se fasse et qu'on reprenne vraiment notre assemblée, mais le fait de communiquer avec les gens directement et s'assurer que les gens viennent aux assemblées. Vraiment, ça va être un gros travail de promotion qui va être à faire au cours de cette année, de stimuler les gens, le sentiment d'appartenance envers la GEQTR, qui a été fortement éprouvé cette année, doit vraiment progresser et amener à ça. Justement, dans le même sens, que représente la GEQTR pour toi en général? Pour moi, la GEQTR représente une association centrale qui doit promouvoir les droits des étudiants et qui doit structurer des aides directes et locales pour chacun des étudiants en fonction de leur projet. On a un réseau de contacts qui est important et qu'on est capable de conserver. Mais aussi, on peut mettre les gens en lien lorsqu'ils veulent créer des projets, des initiatives. Si on pense aux soirées cachées, c'est fou que j'ai aucun rapport avec ça. C'est moi, pas moi qui les a commencés, j'ai rien à voir. Mais c'est justement des projets comme ça qu'on peut mettre les gens en contact et vraiment faire du réseautage pour s'assurer que les événements soient fréquentés au sein de l'université. On pense aux parties de la rentrée qui attirent une clientèle totalement différente de toutes les autres activités qu'on fait. On doit élargir cet éventail-là pour s'assurer qu'on rassemble le plus de monde possible. On a quand même 10 000 étudiants et c'est sûr et certain qu'on peut pas avoir une image parfaite pour les 10 000, mais on peut vraiment faire des activités qui vont pouvoir les rassembler tous et chacun. Excellent. Et quels sont les enjeux importants à l'AGE, de l'AGE-UQTR en général pour l'année à venir? C'est reprendre la place dans les médias, je crois qu'il est vraiment important. Ensuite, c'est la structure qui doit être vraiment mise en place pour qu'elle soit opérationnelle et adéquate. Une révision des statuts et règlements généraux sur certaines des politiques doit être faite aussi également pour aider à la promotion de la chasse-galerie et du 10-12 pour les rendre plus adéquats. C'est plein de projets comme ça qui doivent être faits, selon moi. D'accord. Et pour terminer, dernier mot, pensée, chose à retenir, morale, slogan. J'ai essayé d'en trouver un hier parce que je m'étais fait pogner l'année passée avec ça, puis j'ai fait, j'avais fait ça pendant un bon moment. Je me rappelle, on a l'extrait. C'est à peu près comme ça que ça sonnait. J'en ai trouvé, mais c'était seulement que des humoristiques hier, mais j'ai réussi à en trouver un en plein milieu de la nuit. Je me suis réveillé, puis j'ai eu un sursaut, un éclair de génie, peut-être que certains diront, okay. Pour se faire connaître et reprendre notre place dans la région. Oh! Mm-hmm. Excellent, ouais. C'est bien. Très bien. Mm-hmm. Merci Mathieu Roy, candidat à la présidence de la GEQTR. Merci à vous, Monsieur Carbonneau et Monsieur Plante. Planté. Carbonneau et Planté. On peut dire que c'est un running gag entre. Oui, Charbonneau devient Carbonneau. C'est ça. D'ailleurs, il faut dire, Mathieu Roy affronte la chaise. On le mentionne à chaque poste, je pense. Oui. Faut le dire, on n'a pas le choix. Oui. Voilà. Maintenant, on passe à François Arcan, qui est candidat à la vice-présidence aux finances et développement. Bon matin, toi. Bon matin. Si je regarde ça, moi, il me reste 4 minutes. Hein? Merci, Mathieu. Ah, tu prends le temps que tu veux. Non. Mathieu, il jacasse pas mal. Il demande. Mais non, tu prends le temps qu'il faut, en fait, pour répondre aux questions. Là. C'est comme ça. Oui. Donc, c'est Jean-Philippe qui va commencer. Ben oui. Alors, est-ce que tu peux nous faire une brève description du poste pour laquelle tu te présentes? Oui, certainement. Je vous dirais, première des choses, c'est un poste de bureaucrate. On s'en cachera pas. Donc, on parle de préparation d'état financier, suivi des dépenses, préparation des budgets. Ça, c'est côté finance. De l'autre côté, tu as le suivi des services avec l'OSAGE. Puis, bien sûr, travailler en étroite collaboration avec Jonathan Lachasse-Galerie pour l'aider dans son travail. Mm-hmm. Quel est votre domaine d'études et depuis combien de temps? Sciences comptables, j'en suis à ma troisième année. Puis, je me dirige vers le DESS pour être CPA. Mm. Et quelles sont tes expériences pertinentes pour le poste convoité? Je vous dirais que dans la dernière année, j'étais VP Finance et Développement. Donc, il y a ça qui pourrait m'aider un petit peu. Il pourrait. Ensuite, j'ai mon expérience passée, 17 ans au niveau des approvisionnements en entreprise et tout ça. Puis je crois que ça m'a aidé cette année au niveau de mon poste. Quels seront tes projets importants si tu es élu? Projet important, il y a l'agrandissement de la chasse-galerie qui reste à évaluer. Ça, il va falloir vérifier là, qu'est-ce qu'on fait avec ça. L'année passée, on a bloqué le projet, ou on l'a mis sur la glace plutôt. Mais là, ça va être évalué cette année, qu'est-ce qu'on fait avec ça. La transition administrative, bien sûr, avec la nouvelle structure qui s'en vient, en collaboration avec Mathieu, si jamais il est élu. Sinon, ça va être avec la chaise. Donc, c'est ça, transition administrative. Je pense qu'avec ces deux gros dossiers-là, là, ça va combler l'année. Et, excuse-moi, j'étais parti dans mes pensées. Que représente l'AGE-UQTR pour toi? Bien sûr, c'est une association centrale. Je reprends les mots à Mathieu. Désolé, Mathieu, on avait les mêmes. Pour faire valoir le droit des étudiants. Aussi, c'est d'assurer des services de qualité qui répondent à ces mêmes étudiants-là. Selon moi, c'est ça. Puis, il y a le rayonnement aussi au niveau provincial. On l'a vu dans la dernière année aussi. On a eu un bon rayonnement provincial. Donc... Quels sont les enjeux importants de l'AGE-UQTR en général pour l'année à venir? Pour l'année à venir, c'est sûr qu'au niveau de la structure administrative, bon, encore, je parle plus au niveau de mon poste, mais au niveau de la structure administrative, ça va être important de la mettre en place, c'est sûr, le plus rapidement possible suite aux démarches qu'on fait cet hiver. Il va y avoir le suivi au niveau aussi de ce qui se passe au Pierre-Boucher actuellement, je crois. Ensuite de ça... Ça fait, non, je pense que c'est les deux gros. Et puis, avant de finir, un petit mot, une pensée, c'est un slogan, quelque chose qu'on pourrait retenir. Tu vois ça, je l'avais oublié. Ah oui, c'est ça. Je ne l'ai pas préparé. Calotte un jour, calotte toujours. Ah. Merci, Mathieu. Je pense que je vais faire des photos de ma calotte puis je vais les afficher. On va retenir ça, je pense. Okay, donc, c'est François Arcand qui est candidat à la vice-présidence aux finances et développement. Encore une fois, lui aussi affronte la chaise, donc ça vaut la peine d'être dit. Demain, à l'émission, on recevra Caroline Rouillard qui se présente au secrétariat général et Jean-François Chapdelaine comme secrétariat général aussi. Donc, deux personnes qui s'affrontent demain, un petit débat. Donc, ce sera à l'émission à 8h demain matin. Merci à vous deux. Faut faire attention aux chaises, hein. Il y en a qui ont 4 et 5 pattes. Oui, c'est ça. Mm-hmm. Les autres roulent drôlement puis sont basses un peu comme mon dos. Je suis aussi un bon type de chaise pour affronter ces gens-là. Donc, merci encore une fois. Et nous, on prend une petite pause musicale. On s'en va entendre Rouge Pompier avec l'extrait Château de Sable. Puis après ça, c'est la chronique de Véronique Mire. Alors, restez là. Pompiers et la pièce Château de Sable à Assemblage Requis. Il est à 8h16 minutes, oui. Et enfin, je sais pas si on va avoir la chronique de Véronique Mire finalement. On attend encore après ça. On l'a mis un petit peu en retard. Pourtant. Oui, on savait qu'elle était là. Donc, peut-être plus tard. Sinon aussi, plus tard, Alexandra Carignan et la chronique Le temps d'une culture. Pour l'instant, ben, je pense qu'on n'aura pas le choix de retourner en musique, mes chers amis, mes concitoyens. Mais qu'est-ce qu'on va écouter, Mathieu? On va écouter du Fiddler, toi, regarde ça, regarde, j'ai les dents même, ça me tombe comme ça, regarde. Ah, comme ça? Fiddler. T'as deux jouets. Wouhou! Comme un verre de terre, ça se fait gigoter de même. Donc, voici la pièce No Waves. C'était complètement impertinent, mais que voulez-vous? C'est comme ça, hein? C'est ça, semblage requis, des fois. Fiddler avec No Waves. Assemblage rocké. Oh oui! On l'a assez fait attendre. Véronique Mire est avec nous. Bon matin. Me voici, me voilà. Bonjour, bonjour. Tada! Tada! Magie! Ça fait un mois qu'on ne s'est pas parlé, je crois. Eh oui! Puis, imaginez-vous donc. J'allais dire, imagine-toi, mais bon. Imaginez-vous. Imaginez-vous. On vient en paire. Oui, c'est ça. Père et père. Ça va aussi encore aller dans un mois, hein, parce que c'est Pâques dans deux semaines. Ah, vrai, c'est vrai. On n'a pas d'émission sûrement. En tout cas, ça t'a confirmé, mais ouais, on n'est pas sur une émission. Overdose de chocolat en perspective. Oui. Donc fin impossible. Avril. On va se revoir fin avril avec le bedon plein de chocolat. Oh là là. Et oui. Et voilà. Peut-être en short. Peut-être. Peut-être en short. Ça dépend. J'en ai pas plus à dire. 10 ans plus. Donc aujourd'hui, on parle de comment lire efficacement. Eh oui. Donc, je sais plus, on est rendu à combien de chroniques là, cette session? 4? Bonne question, sûrement 4-5. Donc c'est une des préoccupations importantes des étudiants, ça, la lecture efficace. Parce que beaucoup ont l'impression de faire une lecture. Puis, des fois, ça prend un paragraphe, mais souvent, c'est même après une page ou la lecture au complet qu'ils se disent « je me rappelle plus de rien ». Faut que tu recommences au début. Ouais, j'ai tout lu, mais je me rappelle plus. Donc, comment faire pour lire puis se souvenir de ce qui a été lu? Parce que les lectures, il faut les faire avant les cours, idéalement. Beaucoup d'étudiants qui me disent « je les fais après », c'est beaucoup plus facile. En fait, ça, c'est un piège, hein, parce que, bon, si on fait les lectures après, c'est sûr que c'est plus facile. Le prof nous l'a tout expliqué dans la classe. Mais si on les fait avant, dans le fond, le but, c'est surtout de connaître, de s'éveiller au vocabulaire technique qui va être amené en classe, hein, parce que, comme ça, on va être plus prêt. Donc, la pire chose à faire pour une lecture, puis quand j'en parle en classe avec mes étudiants, ils me disent « j'ai une lecture à faire pour le cours d'administration ou comptabilité de management, admettons, puis je m'installe le matin, puis je fais ça jusqu'à temps que j'ai terminé. » C'est la pire chose à faire, hein, parce qu'on se souviendra que la lecture et l'étude aux examens, c'est les deux activités les plus demandantes intellectuellement. Donc, si vous faites votre lecture sans arrêt jusqu'à la fin, ben premièrement, c'est impossible de la faire sans partir dans l'une, sans perdre des bouts, parce que votre cerveau se tanne, se fatigue. Donc, et puis ensuite, bien, c'est très, très, très demandant. Puis le reste de votre journée risque d'être plus ou moins productif parce que vous avez tout mis vos efforts sur la lecture au début. C'est aussi ce qui provoque le « j'aime pas lire » de beaucoup d'étudiants. Donc, puis moi, je le demande à mes étudiants en début de session, « aimez-vous lire? » Bon, puis il y en a toujours deux, trois comiques, là, ou bon, si on veut, qui lèvent leur main puis qui disent qu'ils n'aiment pas lire. Puis là, je leur dis, ben à l'université, si vous aimez pas lire, malheureusement, il va falloir penser à ça, hein, parce que ça fait partie des activités étudiantes. Donc, plutôt que de faire la lecture tout d'un coup, ben regardez combien de pages elle a, votre lecture. On lit en moyenne 10 à 12 pages à l'heure. Donc, vous pouvez vous dire, bon, ben, je vais faire une lecture de 30 pages en trois blocs de une heure avec des petites pauses de 10-15 minutes. Puis, ça va être beaucoup plus efficace que de la faire jusqu'à temps que vous ayez terminé. Ouais. On s'entend que 10-12 pages à l'heure, c'est pour les lectures universitaires. Hein, parce qu'il y a quand même à l'université des lectures de niveaux différents. Donc, les livres de matière, bon, ça, c'est ce qu'on considère de la lecture universitaire. Des articles, ça dépend du niveau aussi. Donc, ça se peut que vous lisiez plus vite que ça, là, mais généralement, une lecture compliquée, c'est à peu près ça. Ouais. Tu vois, on s'est inspiré de ça aujourd'hui pour faire ta chronique d'un coup sec sans pause musicale entre. C'est pour montrer quoi ne pas faire lors de la lecture. Oui, oui, oui. C'est en bloc avec une chanson d'habitude. Ben, on va peut-être avoir le temps, okay. Sais-tu, je pense. En tout cas. Mais bon, donc, puis aussi, c'est que le cerveau peut pas se concentrer plus que 20 à 40 minutes. C'est vraiment pas long. Mm-hmm. Puis ça dépend de votre fatigue, le niveau de stress, les préoccupations X, si on a une grippe, un rhume, pas évident. Donc, 20 à 40 minutes, si on étire la sauce jusqu'à une heure, déjà, on a étiré la sauce. Hein? Donc, faut pas y aller plus longtemps. Avant de commencer la lecture, prenez toujours l'habitude de vous questionner d'abord. Bon, le titre, de quoi ça va nous parler, cette lecture-là? C'est dans quel contexte? C'est quoi le thème général, si on veut? Est-ce que vous connaissez quelque chose sur ce texte-là? Déjà, pour ceux qui n'aiment pas lire, le fait de se dire « Hey, je connais quelque chose là-dessus », ben ils partent pas en se disant « Je comprendrai rien ». C'est moins difficile. L'attitude défaitiste. C'est ça. Aussi, bon, survoler l'ensemble de la lecture, voir les titres, les sous-titres, s'il y a des mots en gras, ça établit le squelette du texte dans votre tête. Donc, vous êtes prêt aussi à recevoir la matière, vous savez qu'est-ce qui s'en vient. C'est comme quand on va suivre un cours, hein, prendre l'habitude de survoler le PowerPoint avant le cours. Comme ça, si le prof ne fait qu'effleurer une notion en début de cours, vous comprenez pas, mais 10 minutes plus tard, ben, il l'explique avec des exemples et tout ça, ben, vous le savez, puis vous n'allez pas vous acharner à vous dire « je comprends rien, c'est dur ». Donc, voilà. Donc, le survol, ça nous permet aussi de voir s'il y a des tableaux, des graphiques. Est-ce que c'est une lecture? Des dessins, ouais. Des fois, des images, des encadrés, des espaces. Hein? Les lectures opaques, là, si on veut. Papier Bible, genre, et tout, là. Ouais. Attachez-vous, hein? Donc, plus long. Donc, d'abord, on survole le texte. Et puis ensuite, pendant la lecture, la meilleure façon pour être là, j'ai l'impression que je suis comme... Non. Bon. Moi, j'écoute d'une oreille attentive parce que j'aurais sûrement levé ma main pour dire « j'aime pas lire ». C'est bon, ça. Mais c'est aussi des trucs qui suivent pour... en fait, tout est dans la façon de faire des pauses. Puis de se dire, bon, comme quand on se dit « je vais faire une heure à peu près de lecture », à la fin de cette heure-là, il faut se demander « qu'est-ce que j'ai compris? Qu'est-ce que j'ai retenu? » Parce que si vous faites juste arrêter ça là, prendre une pause, vous allez perdre le fil. Oui. Mais si vous arrêtez puis vous dites, bon, de quoi je me souviens, qu'est-ce que je viens de lire, on retourne, on survole rapidement là, ce qu'on vient de lire là. C'est comme quelqu'un qui lit des romans en série là, ou qui regarde beaucoup de films. Si on prend jamais la peine de s'arrêter puis de se dire, qu'est-ce que j'ai aimé là-dedans ou pas aimé, bon, etc., ben on va toutes les voir ou toutes les lire, mais on se rappellera plus de rien. Donc, déjà, ça aide là, au niveau de la mémoire. Au niveau de l'amour, ça, c'est autre chose. Là, mais bon. C'est à force d'en faire, généralement. Ouais. Pendant la lecture, ben, il faut être actif, hein, autant que possible. Donc là, je viens de vous expliquer le avant. Là, on survole, on se questionne. Pendant la lecture, il faut être actif, donc chercher à comprendre, se poser des questions. Est-ce que j'ai compris ce que je viens de lire là? C'est quoi ça? La meilleure technique de lecture rapide, donc je vais parler de lecture rapide en premier, ensuite de lecture efficace. Lecture rapide, c'est le guide. Le guide ou le pointeur, ça dépend des écoles. D'avoir ton doigt ou un crayon sur la page et de suivre comme ça. Exactement. Le doigt ou le crayon, on suit la ligne. Au niveau visuel, au niveau mental aussi pour le cerveau, c'est beaucoup plus stimulant que juste regarder une page. Mm. Faites juste y penser, là, prendre un livre, regarder le livre ou suivre un mouvement qui va quand même assez rapidement. Donc, déjà, au niveau visuel, on a quelque chose à suivre, un rythme à suivre. Ouais. Si on se rend compte que ça va pas assez vite à notre goût, on peut aller juste un petit peu plus vite. Pour l'avoir expérimenté dans un atelier de lecture rapide, j'ai doublé ma vitesse de lecture juste avec ça. Wow. Donc, Est-ce que tu peux mettre un métronome, genre? Il y en a qui font ça. Ben, quand on fait l'atelier, en fait, c'est ça qu'elle nous fait là au départ. Puis même, on fait la lecture en diagonale, là, carrément, là, du haut à gauche au bas à droite, là. En survolant un texte, c'est sûr qu'on se rappelle pas nécessairement de tout ce qu'on a lu, hein. Non. Quand on fait ça. Les grandes lignes, peut-être. Les grandes lignes. Il y en a qui lisent en faisant aller leurs lèvres en même temps. Je sais pas si c'est un truc qu'ils ont appris ou quelque chose comme ça, mais il y en a qui on dirait qu'ils sont pas capables de lire sans bouger les lèvres. Ils chuchotent, ils lisent un peu. Ouais. Ben, c'est du babillement un peu, là, si on veut. Mais ça, c'est une technique de lecture efficace. OK. Donc, lecture rapide, c'est avec le pointeur. On suit la ligne avec notre doigt. Je vais y revenir dans deux petites secondes. Parfait. C'est aussi que si tes yeux sont encore pris en haut, ta page, puis que ton doigt est rendu en beau. En beau, volvaire. En beau, hein? Ben là, tu te dis, oups, je suis partie dans la lune. Fait que ça te rattache au texte. Mm-hmm. Donc, ça, c'est la lecture rapide. Mais pour la lecture efficace, c'est soit, bon, il y en a qui vont justement un peu mimer les mots. Marmonner. Pas drôle, marmonner, chuchoter. Même lire à voix haute. Ça nous permet d'être accrochés au texte. Puis tout ce qu'on peut faire en mettant plusieurs sens à contribution. Quand on étudie, là, étudier debout, à voix haute, gesticuler, expliquer à quelqu'un, c'est beaucoup plus stimulant que d'être juste assis puis d'étudier dans sa tête. Mmh. Donc, pensez à tout ce que vous pouvez faire en bougeant, en faisant autre chose que juste être passif, finalement. Mmh. Donc, bon point. Bon. Donc, le crayon à la main, le guide aussi, ce que ça nous permet de faire, en fait, c'est de mettre le surligneur de côté. Ah, pour vrai? Parce qu'il nous parle tellement tout le temps de surligner des choses importantes dans les textes, là. Ben, en fait, il faut surligner. Si vous voulez absolument surligner, parce que bon, ça, c'est ce que j'appelle la fluotite aiguë, hein. La plupart des étudiants... Le trois quarts de la page est surligné. Le paragraphe. Ah oui, c'est ça, hein. Puis le problème avec ça, c'est que si tu pars dans la lune, quand tu reviens, tu as l'impression que ce que tu viens de lire là, c'est important parce que tu es revenu. Mm-hmm. Mais ça veut rien dire, hein? Donc, le conseil, c'est de lire tout le paragraphe et ensuite d'aller surligner. Hmm. Ça, puis les post-it aussi. Oui. Parce que des fois, tu arrives en examen puis les gens, ils ont des post-it partout. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est la post-it. La post-it. La post-it. Post-it aiguë. Donc, on peut surligner à la fin d'un paragraphe. Ça, c'est plus efficace, mais encore mieux avec le guide. Donc, vous pouvez utiliser un crayon, hein? À la fin du paragraphe, vous demandez c'est quoi le mot-clé qui résume le paragraphe. Vous allez l'écrire dans la marge. Donc, si vous voulez ultimement faire des résumés de vos lectures, ben vous partez des mots-clés pour faire vos résumés. Tout est là. Mmh. Donc, vraiment, c'est une bonne technique. Puis, ben ça fait qu'à chaque fois que vous lisez une petite partie du texte, vous vous arrêtez et vous demandez « qu'est-ce que j'ai compris? » C'est quoi l'important là-dedans? Donc, vous ne faites pas juste lire, vous vous questionnez également. C'est vraiment la clé. Les tableaux, les graphiques, portez-y attention. On a tendance à passer par-dessus parce qu'on se dit « ah oui, c'est beau, là, c'est expliqué compris. Dans le texte pareil, là, c'est ça. Ouais. Mais justement, c'est des bouts de résumé. Souvent, un tableau, un graphique, ça va résumer 3-4 pages de texte. Donc, lis pas le texte, regarde ce tableau. Ben, non. Mal pris. Il y a des techniques comme ça de lecture rapide où on dit... Bien mal pris, là. Je vais faire la parenthèse pendant que tu en parles. Mais justement, on fait notre survol, comme on fait avant une lecture normale. Donc, titre, sous-titre, mot gras. Ensuite, on va aller lire l'intro, la conclusion et la première et la dernière ligne de chacun des paragraphes pour une lecture universitaire. Mm-hmm. Parce que les textes sont bien construits, chaque paragraphe est autoconclusif. Mm-hmm. Hein, on est supposé d'introduire le sujet, de le développer puis de le clore dans le même paragraphe. Mm-hmm. Donc, si quelqu'un, souvent en psycho, ça arrive souvent, ils ont des fois 4-5 lectures à faire par cours. À un moment donné, là, dans session, comme dans n'importe quel programme, là, ben ça s'accumule puis on n'y arrive plus. Donc, ça peut être une façon de rattraper les choses. Mais c'est sûr que c'est pas l'idéal, mais bon, c'est ça mieux peut que rien du tout. Ouais, c'est ça. Si vous avez des mots sur lesquels vous butez, là, comprends pas ce mot-là, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On le cherche, non? On met un point d'interrogation dessus. Ah, pour le chercher plus tard. Peut-être. Ouais, est-ce qu'on le cherche plus tard ou on le cherche là? Moi, je serais du genre à le chercher tout de suite. Parce que ça fait le sens. Moi, je serais du genre à dire que si je le fais tout de suite, je vais perdre du temps et ça va me prendre plus de temps encore. Je vais les faire tout à la fin. Je sais pas, c'est pour jouer l'avocat du diable. Okay. Les deux points. Oui, ben en fait, c'est mieux de se faire... Ben, t'avais une partie de la réponse tantôt, mettre un point d'interrogation, mettre une étoile, puis t'as changé d'idée, à fait. Ouais, mais j'ai repris la sienne. Ben, c'est parce que... Merci Mathieu. Voilà. Ah, c'est ça. C'était juste pour dire les deux points. Là. Mais en fait, c'est ça. C'est mieux d'aller les voir après, parce que généralement, quand on continue la lecture, ben le sens se fait naturellement. Oui, mm-hmm. Donc, tu comprends par association avec d'autres mots, d'autres phrases. C'est ça. On finit par comprendre. C'est sûr que c'est toujours bon d'avoir un peu un lexique hein, de termes. Oui. Parce que dans notre domaine... C'est comme quand t'apprends l'anglais, tu sais, des fois, t'as beau pas comprendre là, plus tard, tu finis par le comprendre parce qu'il s'est passé d'autres choses autour. Dans le contexte. Ben oui. Donc, plutôt d'aller voir après que pendant. Puis, ben, quand on a tout fini la lecture, ben, on se demande qu'est-ce que j'ai appris, de quoi je me souviens. On retourne voir nos mots-clés. Quand j'explique la technique des mots-clés, il y a beaucoup d'étudiants qui pensent que quand ils doivent se demander qu'est-ce qu'ils ont retenu, ils doivent on peut le faire dans un premier temps seulement qu'avec ce qu'on se souvient. Mais les mots-clés sont là pour ça. Mm-hmm. Il y a beaucoup d'étudiants qui me disaient, moi, après, j'essayais de me rappeler des mots-clés que j'ai écrits. Mm-hmm. À chaque fois qu'ils faisaient une lecture, imaginez-vous l'effort à chaque fois pour se souvenir. Donc, on retourne voir nos mots-clés. On peut se faire un résumé. Hein? Donc, résumé, on peut le faire de trois façons. D'abord, dans notre tête. Ouais, bon, je me souviens, ça parlait de ça en premier. Après, avec peut-être moins efficace, il faut que tu mettes un sur papier. Un peu moins efficace. Il faut toujours se rappeler que tout ce qu'on fait seulement que dans notre tête, moi, je vois ça comme un carrefour. Multiples. On est dans le milieu, puis il y a plein de portes autour de nous. Puis quand on est juste dans notre tête, toutes les portes sont ouvertes. Fait que le macaroni, elle a acheté à l'épicerie, le taux a changé de place parce qu'il déneige, etc. Ben, toutes les préoccupations sont là. Tandis que si vous êtes debout, vous parlez en même temps, etc., ben là, vous fermez des portes. Donc, vous avez moins de chances d'être distrait par toutes sortes de choses. Dans notre tête, à l'oral, hein, donc soit à quelqu'un ou à soi-même, là, on peut s'expliquer les choses, ou l'idéal, c'est à l'écrit. Mais ça dépend toujours du temps qu'on a, puis l'effort que tu as envie de faire aussi. Aussi, puis à quel point la lecture va être réutilisée. Oui. Hein, parce qu'il y a des profs qui donnent des lectures complémentaires, il y en a d'autres, c'est des lectures obligatoires. Ça, c'est toujours bon à les vérifier dès le début. Complémentaire, tu dois les faire, mais il n'y aura pas nécessairement d'examen ou il va y avoir des questions quand même, mais ils compteront pas autant? Ou? Des fois, c'est juste pour pousser un petit peu plus loin, okay. Mais plus par curiosité ou intérêt. Puis généralement, ces lectures-là, on les fait au début de la session, puis à un moment donné, on les fait plus parce qu'il y a d'autres choses à faire. Là. Puis tu as des textes fondamentaux aussi. Dans les cours d'introduction... Souvent, c'est des textes qui reviennent pendant tes trois années. Des genres de running gag. Ou ben de texte. Running texte. Des running texte. qui reviennent, toujours la même affaire. Ça m'est jamais arrivé, ça. Ah. Chanceuse, hein? Moi, oui. Ben oui. Je savais pas. Peut-être dans les cours de droit. Pis tout ça, mais ça peut venir en référence. Pas nécessairement en lecture, mais en référence. OK. Donc, c'est pour vous ça que. Vous souvenez de telle lecture. Rappelez-vous dans. Oui. Ouais. Rappelez-vous votre cours en première? Ben, les épisodes de flashback des Simpsons. Ouais, ouais. Ouais. Donc, je savais pas ça, c'est bon à savoir. Mm-hmm. Mais l'idéal, c'est toujours d'échanger. Si on peut soit échanger avec quelqu'un dans nos cours, mais encore mieux avec quelqu'un qui connaît pas le sujet. Parce que là, il faut verbaliser. Il va nous poser des questions, il faut vulgariser. Mm. Donc, l'effort de vulgarisation, là. Essayer de faire comprendre quelque chose à quelqu'un qui ne connaît pas ça, c'est difficile. Oui, c'est ça. Dis donc, aurions-nous le temps pour une petite pause musicale? Très rapidement, oui. On revient après oui. Avec plus de trucs de lecture. Pour l'instant, voici Pierre Lapointe et la sexualité. À son âge requis. Je dis à ceux qui veulent partir au loin pour tuer nos frères. En faisant la guerre, c'est bien mieux de faire l'amour. Pénétrer autrui, le jour, la nuit, sans cesse et sans répit, en faisant l'amour. C'est bien mieux de faire l'amour. C'est bien mieux de faire l'amour. De faire l'amour à trois, mais je préfère de loin me faire à deux avec toi. Tout se crier comme les stars du X au cinéma. Recommencer une, deux, trois, quatre, cinq, six ou sept fois. La vie est morte, la vie est sale. On joue les méduses glaciales. Quand on est deux yeux dans les yeux, à lécher des jours malheureux. soirs de pluie, les matins de rime. Sous le soleil de midi, jamais les bombes, les grenades, ni la suie me feront sortir du lit. What do I say, what do I do? I got the fire, so I'm making my dreams come true. No, I'm just a powerless fool. But I like you open so I can see the view. Cool, how did they live, how did they breathe? The gift of penetrating means nothing but the plan to see in me. Just feels good in your body too. What if I quit walking out here like a detox too? Look into my eyes, I said look into you. Screams and whispers, just wonder who sway onto me and make me be your fool. And smile at me until my thighs, they choose to be with you. À ceux qui veulent partir au loin pour tuer nos frères en faisant la guerre, c'est bien mieux de faire la pénétrer autrui le jour, la nuit, sans cesser, sans répit, en faisant l'amour, c'est bien mieux de faire l'amour, c'est bien mieux de faire l'amour. Pierre Lapointe et la sexualité à Saint-Laurent. Toujours avec Véronique Mire du bureau de la réussite étudiante. Et oui. On parle de lecture efficace. Mm-hmm. Quelques petits trucs encore à mentionner. Ben oui, donc ça tombe pile au bon moment qu'on ait pris cette pause-là parce que je vais vous faire un petit résumé de comment faire une lecture efficace, justement. Avant de faire la lecture, on regarde le titre, on se questionne. Est-ce que je connais quelque chose là-dessus? Qu'est-ce que je veux apprendre? Après, on fait le survol du texte. Donc, titre, sous-titre, mots gras, tableau, graphique, pour voir c'est quoi le squelette du texte, pour l'avoir en tête, pour éviter de se faire surprendre par le texte, comme ça nous arrive des fois en classe. Une notion est mal expliquée ou seulement introduite en début de texte. On s'acharne, on comprend pas, puis trois pages plus loin, elle est bien expliquée avec des exemples, etc. Donc, ça me rappelle un peu comment les gens lisent un journal. Tu lis le titre, grand titre, légende de photo, petite citation qui est dans le milieu, le premier paragraphe, puis tu sautes le texte. Oui, là, ici, c'est de lire le texte quand même. Mais aussi, c'est continuer le processus. Ça, on n'a pas le choix. Ça fait partie de l'exercice universitaire. Il y a plein de choses comme ça qu'on doit faire à l'université, comme les thèses, doctorat. Faire la soutenance. Mm-hmm. Donc, voilà. Pendant la lecture, le survol du texte, ce que ça vous permet de faire aussi, c'est de voir combien il y a de pages, ce texte-là, pour pas faire la lecture d'un coup. Donc, ça, c'est un des bons trucs que je vous ai donné. Diviser en trois, quatre sections, okay. Dépendamment de la longueur, parce qu'on lit en moyenne 10 à 12 pages à l'heure pour un texte de niveau universitaire. Ouais. Donc, c'est la pire chose, c'est de le lire d'un coup. C'est très difficile avec l'étude aux examens. Ça demande le 100% là, au niveau intellectuel pour bien comprendre. Et à la fin, wow, Véronique, là, on ralentit. On fait la lecture. Il me manquait ce petit bout-là. Mm-hmm. Important, ouais, ouais. On annote donc les mots-clés dans la marge. Évitez de surligner trop. Si vous voulez absolument surligner, lisez le paragraphe d'abord, puis ensuite, allez chercher les idées. Ça va vous éviter de surligner à l'excès, donc la flux au titre aigu. Et à la fin, voilà, on réfléchit encore, bon, de quoi je me souviens. On peut faire un résumé, idéalement à l'écrit, pour que ça reste. Donc, ça dépend du temps qu'on a, ça dépend du nombre de lectures qu'on a, etc. Mais au moins de faire l'effort de se demander, bon, de quoi je me souviens que je viens de lire. Déjà, vous avez beaucoup de chances que ça reste. Puis qu'en classe, quand le prof va en parler, ben, vous allez faire « Ah oui, je sais c'est quoi, je sais c'est quoi. » Puis vous allez aller chercher les exemples, le matériel de plus. Donc, vous allez être beaucoup plus actif. C'est le moment de poser des questions. Ben oui, hein, c'est ça, pour approfondir ou dire « J'ai vu telle chose. » Puis faire « Ah, t'as fait tes lectures. » Donc, conseils généraux, enrichir son vocabulaire. Donc ça, c'est sûr que ça fait qu'on a plus de facilité à lire. Hein? Plus on a un bon vocabulaire, le fait de lire souvent aussi, bon, on va avoir de la facilité. Plus on lit, plus c'est facile. En première année à l'université, c'est l'année de la théorie, c'est l'année des lectures difficiles, les travaux d'équipe en grosses équipes, etc. Donc, il y a beaucoup d'adaptations à faire, mais quand vous allez avancer dans vos études, ça va être de plus en plus facile. Une bonne attitude aussi, on l'a vu tantôt. Donc, si vous partez en vous disant « moi, j'aime pas ça lire », il faut trouver autre chose. Il faut se dire, je vais tout faire pour comprendre au moins que ça va m'être utile dans le cours. Il y a peut-être même des bouts que j'aurais pas besoin de prendre de notes en classe parce que je vais l'avoir déjà tout compris chez nous. Donc, c'est gagnant, hein, si on le voit de cette façon-là. L'environnement, donc, un bon éclairage. Hein, évitez de faire votre lecture avec une lampe de chevet. c'est très endormant. Ouais. Dans c'est ton difficile. Lit. Dans le lit, oui, voilà. Donc, la façon qu'on est assis... Au temple. C'est ça. Ouais, peut-être laissez pas. Laissez une note de cours entre l'étudiant. Non, pas bon endroit. Non. La posture, justement, en parlant de ça, tu disais étudier dans son lit. Éviter d'étudier dans notre lit ou dans un divan, tout est vaché. Mm-hmm. Là. On peut être bien assis, posture proactive. Et aussi, ça, c'est relatif à chacun, le bruit. Oui, la musique. La qui musique, joue en arrière, pas de musique. La télé. Non, pas de télé. Non, pas de télé, vraiment pas. Il y en a qui me disent, moi, c'est juste les télé-annonces. Ben oui, Louis-José Mondou, elle m'encourage. Mais oui. Ben c'est pas mieux, hein, parce qu'il y a toujours des affaires bizarres qui montent aux téléannonces. On est, c'est quoi cette affaire-là, tu sais? C'est aussi intriguant que... On peut faire des hot dogs à la vapeur en dedans de 15 minutes avec la machine qui monte. C'est, 15 excuse-moi. Minutes, c'est long. Moi, je sais c'était 6 minutes. OK. C'est un chiffre au hasard. Je vais faire la blague du hot dog estimé. Ça va l'air bon. Ah bon? Ben, comme le chop-chop truc. Oui, chop-chop. Il y en a plein, hein, des affaires, c'est vraiment... Génial. Donc, ça dépend de chacun, mais idéalement, si vous voulez étudier avec de la musique, c'est de la musique sans paroles, trame sonore de film, parce que dites-vous que ça, ça fait que vous avez une partie de votre intellect qui est ailleurs. Oui. Donc, occupé par la musique. Et quand j'observe mes étudiants lire, je remarque que la plupart lisent le livre, puis moi-même, hein, des fois, je me surprends à le faire, là, mon livre est sur la table ou sur mes jambes, puis je suis penchée dessus. Ton dos. Le cou, le dos, les yeux aussi. Hein, beaucoup vont lire quasiment collés dessus leur livre. Donc, tenir le livre incliné à une longueur de bras à peu près, là, c'est beaucoup mieux. Parce qu'on a beaucoup de problèmes de dos, de cou et d'yeux. De yeux. Tu parles-moi pas là-dessus ce matin. À l'université, hein, on a ça. Parce que c'est tous des trucs comme l'ordi, toujours l'ordi. Mais ça va rester souvent c'est après. Sûr. Donc, il faut faire attention à ça. Pour terminer, je veux juste vous faire part de ce qu'un ophtalmologue américain, le premier, en fait, ophtalmologue américain qui s'appelle William H. Bates, de 1860 à 1931. Donc, c'est le premier qui a fait des examens de la vue. Et qui s'est rendu compte que, dépendamment, si on est fatigué, préoccupé, stressé, etc., l'examen est moins bon. Hein? Okay. Donc, faites attention à ça. Parenthèse, si vous avez à aller passer des examens chez l'optométriste, puis que vous êtes dans une période où vous faites de l'overtime, des travaux de session, vous êtes stressé, malade, votre examen de la vue va être moins bon. Ah, oh, ouais. Allez-y pendant que vous êtes en vacances ou... Ou y aller pendant qu'on est en forme. À Pâques, c'est ça. Puis lui, il s'est rendu compte donc que les yeux avaient besoin, trois besoins en fait. Donc, le besoin de détente, hein, donc de fermer ses yeux une fois de temps en temps, mais pas pour nécessairement dormir. Là. Pendant la journée, de prendre l'habitude de faire un moment où on ferme nos yeux et puis vous appuyez, si on veut, vos paumes sur vos... Les pommettes, c'est ça. Ouais. Oh boy, hein, quand on fait des signes en radio, c'est beau. Difficile. Les pommettes et les sourcils, juste pour faire la chambre noire, en fait. Donc, vous faites le vide complet. C'est comme quand on se lève le matin et qu'on a les yeux qui chauffent. Mm-hmm. Juste le fait de faire ça, ça détend les yeux. Ça provoque les larmes aussi, donc ça nettoie les yeux. Quand vous faites beaucoup d'ordi, les travaux, beaucoup de lecture, vous avez les yeux fatigués, faites ça. Puis nous qui avons des lunettes tous les trois, notre nez est serré avec les... avec les pattes des lunettes ou avec l'intérieur. Oui, hein? Ça fait du bien de les enlever une fois de temps en temps. C'est ça qu'on parle. Mais c'est sûr. Mm-hmm. Besoin de mouvement aussi. Donc, avec notre société d'aujourd'hui, on fixe beaucoup les ordinateurs, les livres, etc. Puis ça, c'est pas naturel du tout pour les yeux. On va évoluer, j'imagine, avec le temps. Je suis pas sûre. Hein? Ça s'en va pas trop dans la bonne direction. En fait, avant qu'il y ait tous ces gadgets-là, les yeux ne fixaient que qu'en situation de danger. Oui. Donc, quand on fixe toujours, on provoque le danger, donc on provoque le stress. C'est pour ça que des fois, quand on fait un travail de session, là, toute la journée, on se couche le soir, puis on se sent comme mal, là, oppressé, stressé, ben c'est ça. C'est ça que ça provoque. C'est pour ça qu'on a de la misère à voir les images en 3D. Tu sais, les peintures puis les livres 3D. Ah oui, il faut que tu louches un peu. Ouais, oui. C'est dur de lâcher le... Ouais. Le focus. Le focus. Donc, faire des petits exercices pour étirer ses yeux, parce que les yeux aussi ont besoin d'être musclés, puis ça, ça aide pour la myopie. Donc, étirer ses yeux en regardant bien, bien loin à gauche, bien, bien loin à droite, en haut, en bas, etc. C'est très bon pour les yeux. Tu benches combien de lait, ça? quatre battements à la minute. Ben, le clignement des paupières aussi, plus rapide que la normale, c'est très bon aussi pour hydrater l'œil et tout. Il y a plein de petits exercices comme ça que vous pouvez faire là, sur Internet. Allez voir ça. Très intéressant, c'est bon à savoir. Il faut les préserver, nos yeux, parce que ça va nous suivre. Ben oui, ça va nous suivre littéralement. Littéralement. Voilà. Véronique Mire, merci. Ben, ça me fait plaisir. On te retrouve dans genre un mois environ. Ben oui. Donc, on est le 18 mars, on sort le 1er et on se retrouve au 15 avril. Ben oui, 15 avril. Si tout fonctionne bien, 15 avril. En short. En short. Puis en... Pas pire en examen, ça va s'en venir. Oh, c'est vrai? Oui. Ah oui, c'est vrai. Est-ce que c'est de quoi on parle la prochaine fois? Je crois que ça va être la gestion du stress. Merveilleux. Ça sera très à propos, hein? On en parlera ensemble, donc avec Véronique Mire, la chronique du Bureau de la réussite étudiante. Dans quelques instants, Alexandra Carignan, le temps d'une culture. Mais pour l'instant, on écoute We Are Wolves. Voici As the Moon Sets. 89 FM, cet assemblage requis. Hein, Julie? En direct de Trois-Rivières. La phrase stand-by. Ben oui. Moi, j'entends Jupy. Tac. Trois-Rivières. Fiable. Le plan de demain à assemblage requis. On adore, on adore Laurie Gauvin qui présentera sa chronique musicale mensuelle de Tout ce qui de Laurie. Michel Lebrun sera de retour avec son segment juridique panier à salade et les nouveautés musicales de Kiwan La Liberté dans Kiwan en cavale. C'est demain 7h à assemblage requis. Et on continue avec les élections de la GEQTR à 8h. Ça va nous faire dépenser ça. Oui! Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Sur les ondes de Sifu, vous écoutez Assemblage requis et vous aimez ça. Après cette pub de 8h30 à 9h05, on accueille Alexandra Carignan sans plus perdre de temps. Voici le temps en une culture. Bonjour! Les deux bras en l'air! Eh oui! Put your hands up! Moi, cette chanson-là, elle m'interpelle. Là. Quand le beat rentre, là, on dirait que... C'est très réussi comme intro, c'est, on adore ça. Ouais. Je l'aime beaucoup. Donc, c'est le temps d'une culture et comme toujours, on parle d'art et spectacle. Exactement. Et cette semaine, c'est typiquement Trifluvien. Deux spectacles qui ont eu lieu à Trois-Rivières la semaine dernière. Donc là, vous êtes au fait des dernières nouvelles. Il n'y a rien de réchauffé. Là. C'est de l'original. Eh bien, premièrement, on va parler des soirées cachées. C'est fou qui datent de la semaine dernière. Je ne sais pas comment ils ont réussi à faire ça, mais moi, ça m'a épatée. Les soirées cachées, c'est fou, ont réussi à avoir nul moins que Fanny Bloom. Bloom, qui est l'ancienne chanteuse de la Patère Rose, qui, avec son CD solo Apprentie Guerrière, s'est fait connaître vraiment partout. Là, son nom a explosé dans la sphère musicale québécoise. C'est vraiment un grand coup. T'sais, normalement, on sait que... je dis pas que les autres groupes sont pas bons. Là. Moi, j'aime beaucoup La Descente du Coude. Oui. Mais c'est pas ça... Olinéa. Olinéa aussi. Mais c'est... là, on a un artiste qui est connu, qui n'est pas seulement dans la sphère underground. Indie. Ouais. Exactement. Fanny Bloom, elle est connue et ils ont réussi à l'avoir. Ils n'ont peut-être pas réussi à avoir son band, c'est pourquoi elle était en solo, mais ils ont tellement reviré la situation puisqu'ils ont décidé ça de faire dans l'espèce de couloir vitré du pavillon de la santé qu'on voit quand on sort de la chasse galerie avec les belles peintures. Ce qu'ils ont fait, c'est une soirée formule de cabaret. Donc, Fanny Bloom avec son piano, un beau petit décor d'arbres et les tables, chandelles, boissons sur place. C'était sublime. Non seulement... Fanny Bloom, elle était un petit peu... elle était un petit peu gênée. Elle disait, c'est la première fois que je fais un spectacle solo aussi long. Et elle dit, c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup de covers, dont les premiers que je fais en spectacle. Donc, à chaque fois, elle était tout le temps comme... Ben, soyez indulgents. Mais évidemment, c'était parfait ce qu'elle faisait. Elle était tellement sympathique. Là, moi, j'ai eu l'impression de passer ma soirée dans son salon. C'est sympathique que ça. Ça a vraiment été un spectacle fou. Au début, j'étais comme, bon, soirée cachée, c'est fou. Bon, je vais y aller. Fanny Bloom, OK, je vais y aller. Finalement, tabarouette. C'est pas regretté. J'étais tellement pas regretté. Puis j'ai dit à mon amie Mélissa qu'elle essaie d'aller se coucher à la place de venir. Tu devrais regretter de pas être venu. Alors, c'était vraiment un très bon spectacle. Ça a duré un bon une heure. Il y avait une première partie, d'ailleurs, qui était assez bonne. Mais pas assez bonne, elle était bonne, hein, on va se le dire. Qui est en fait le James Wolfe Orchestra, pas Orchestra pour celui-là. Donc, qui est en duo, mais c'était très bon. Bref, une soirée là, de A à Z, de réussite, une belle ambiance. Les soirées cachées, c'est fou, ont tombé dans le mille. Ça a été sublime. Et pour ceux qui disent Fanny Bloom, c'est qui ça? Eh bien, on va aller écouter une chanson de Fanny Bloom qui est très connue, celle-là. Elle s'appelle Parfait, Parfait. C'était parfait, parfait. Et Fanny Bloom qui était présente dans le cadre des soirées cachées, c'est fou, mercredi dernier. C'était sublime. Oh! Un beau spectacle. Fun. T'étais pas là, toi? Non. Je sais. Je sais que Jean-Philippe était là. Mm-hmm. C'est sûr, hein? C'est moi qui l'organise. Pas mal de choix, c'est ça? Fait que là, à fond, quand je jetais les fleurs aux soirées cachées, c'est fou, c'est à toi j'y jetais. Ben oui, ben je sais, moi j'ai. Que je peux aller aux autres bands parce que je n'étais pas sûr de vouloir y aller. C'était aussi à ça. Non, mais en fait, il y a plusieurs raisons. C'est pourquoi des fois, je ne vais pas cacher aux soirées. Dont le fait que la session dernière puis avant, c'était juste après l'impro. Là. Oui. Puis après un spectacle d'impro, moi, je veux une bonne bière. Voilà. Fait que c'est ça. Mais maintenant, on en a. Et voilà. Ben oui, c'est ça, ça tombe bien. Tout tombe bien, on aime ça. Et un deuxième spectacle qu'il y avait la semaine dernière, moi, je suis sortie de chez nous la semaine dernière. Je suis allée à la salle Louis-Philippe Poisson jeudi dernier, soit le 15 mars. Pour aller voir le groupe Canaille. Donc, un groupe assez particulier de bluesgrass country folk. On peut tout donner là, à ce groupe-là. Moi, je l'aime beaucoup. C'est mitigé comme critique. Il y a plusieurs personnes qui vont adorer ça et d'autres qui vont détester ça. C'est soit tout ou rien. Moi, j'aime ça. Je suis un public facile, mais moi, j'aime beaucoup le folk country. Moi, je sais que mon copain n'aime pas particulièrement ça à cause de la voix de la chanteuse. Sinon, musicalement, c'est difficile de résister. Là, c'est très entraînant. Ils étaient à la salle Louis-Philippe Poisson pour la troisième fois. Ben, pas nécessairement à la salle, mais à Trois-Rivières pour la troisième fois. Dans un décorum qui était différent de ce qu'ils vivaient normalement. Faut dire que sont 8. Ah, OK. Je sais pas si vous avez déjà été à la salle Louis-Philippe Poisson, mais la scène, elle est quand même restreinte. Alors. Comme un aquarium de poissons. Comme bleu. OK, oui, là, je viens de faire le lien. J'essaie de trouver les. Ouais, c'est bon. OK, ouais, non, c'est le acceptable. Le grand aquarium de Québec, lui. Hein? Le grand aquarium. Là, il y aurait de la place. Là, mais normalement, ils sont dans des bars. Ils vont jouer avec un espèce de fond de personnes saoules. Et là, c'était quiet. C'était très, très, très tranquille. Ils étaient un petit peu troublés par ça. Ils sont pas habitués de jouer dans des salles comme ça, mais c'était quand même très agréable. Le monde ont très vite levé de leur chaise, tassé les tables et dansé. En même temps, c'est pas du tu restes assis, tu bois ton vent. Là. Non. Ça se tapait sur les cuisses, puis il y a les pieds. Et d'ailleurs, pendant la chanson Ramone-moi, qu'on va aller. C'est tantôt. Eh bien, il y a une danse en ligne qui a été calée par le groupe. Alors, c'est vraiment, ça a été très, très le fun. C'est vraiment 8 personnes, là, je te dirais que la fille a. Voyons le nom de la patente qui se déroule. L'accordéon. Là. L'accordéon! Quand j'ai écrit mon texte, là, j'ai fait comme une minute. Voyons, c'est quoi ça? L'accordéon. Alors, la fille à l'accordéon m'a dit qu'elle était proche d'accrocher le guitariste et la chanteuse qui était autour d'elle. Ah. Ça fait du monde à la shop. Il y a un contrebassiste aussi, on va se dire que ça prend de la place. Il y a le percussionniste en arrière. Il y a 3 guitares, un banjo, une planche à laver. Hein? Ouais, ah, cool. Une préposée à la planche à laver préposée. Et à la voix. Écoute, c'est extrêmement entraînant. C'est un gros party de famille, des plus sympathiques. Moi, j'aime beaucoup la musique de Canaille. En spectacle, c'est encore plus frappant. Parce que sur CD, tu fais « Ah oui, c'est entraînant ». Mais en spectacle, là, quand que les 8 commencent en même temps leur mélodie, là, et vous allez voir, Ramone-moi, elle commence à se... Quand que le son commence vraiment en spectacle, là, ouf, c'est comme une vague d'énergie puis de musique. Là, t'as pas le choix de sourire puis de hocher la tête ou de taper du pied. Là. Ça en est... Moi, j'ai vraiment aimé ça. Si vous avez un moment, là, s'ils reviennent au Festivois ou whatever, là, si le Festivois commence à avoir du goût, là, allez écouter Canaille. Allez voir le spectacle. C'est sublime. Et pour aller vous faire écouter un petit peu le qu'est-ce que c'est, on va justement aller écouter Ramone-moi de Canaille. Il faut mélanger mon vin. Alors, c'était Ramon Moy. De Canaille. Oui, en effet. C'était sublime. C'était le groupe qui était à la salle Louis-Philippe Poisson jeudi dernier en formule. Il y a plein d'autres spectacles là, qui viennent. C'est pas cher à salle Louis-Philippe Poisson. C'est 18$, gros maximum. T'as 15$ si t'es 15% si t'es étudiant. Si ça vaut la peine, il y a les Sœurs Boulay qui s'en viennent. Ça va être très bon. On les a eu en entrevue au Palmarès Effie la semaine passée. Elles sont fines. Très bonnes. Et elles sont bonnes. Mm-hmm. Alors, les Sœurs Boulay. Et là, il en reste plein d'autres. J'en oublie. Allez voir la programmation sur enspectacle.ca. Pour dans l'immédiat, si ce soir vous ne faites rien, c'est la Luître, la Ligue universitaire d'improvisation de Trois-Rivières. Dernier match régulier des Rouges contre les Verts. Alors, les Rouges font leur dernier match ce soir et c'est ce qui va un peu décider leur place au classement. S'ils perdent par 3 points, ils seront à la 4e place du classement. Et s'ils réussissent à perdre de pas par 3 points, autre chose que ça. Ils vont réussir à battre les Oranges et se retrouver en 3e place. C'est décisif ce soir et ça va être bon. Alors, 20h, Charles Galerie, c'est gratuit. C'est noté. Merci, Alexandra Carignan. Et merci à vous. Et à la semaine prochaine, à 8h30, pour vrai, cette fois-ci. Mm-hmm. La vraie heure, 8h30, la semaine prochaine. Oui, la vraie heure. Pas de délai, la semaine prochaine. Non, moi, je vais être là. Oui. Bientôt, on va partir des expressions du genre « Ouais, à 8h30, ouais, ben là, l'heure de c'est fou. » C'est fou. L'heure avancée de c'est fou. J'aime d'ailleurs, ça. La semaine prochaine, je vais avoir un nouveau segment qui s'appelle « Si seulement ». Oh! Vous allez voir, je vous garde la surprise, ça va être bon. Avec Louis Morissette. Non, pas non. Pas ici. Pas ici. OK. donc, on remercie encore une fois Alexandre Carignan, Simon Fitzbé, Véronique Mir, François Arcan et Mathieu Roy de la GAUQTR, qu'on remercie. Demain, à l'émission, on aura la suite des candidats des élections, Caroline Rouillard et Jean-François Chapdelaine qui se présentent au poste de secrétariat général. Demain, on aura aussi Laurie Gauvin, sa chronique de tout ce qui Laurie, Michel Lebrun et son panier à salade et Kiwan en cavale avec de la musique canadienne. Ça, c'est demain entre 7h et 9h. Restez à l'écoute pour le dîner de con avec Danny Janvier. Oui. Ça vient à 11h. Oui. Heure de c'est fou. Heure de c'est fou. pas mal de tête d'habitude à 11h. Ouais, on est tête. Ben, passez une belle journée. Ben, merci à toi, Jean-Philippe. Oh, merci à toi, Mathieu. Hey, bonne fête. Je vais le dire en nom. Merci. Trop fin. Donc, si vous croisez Mathieu, on lui souhaite un gros bonne fête. Moi, j'avais un beau gâteau pour toi, puis je l'ai oublié à la maison. Fait que je vais aller le chercher, puis je te le ramène. Remontez-moi le moral un peu. Oui. Bonne journée. Allez, bye.